alors bonjour et bienvenue tout le monde à cette 653e émission de Skypunka en ce 17 février 2017. C'était Dropkick Murphys avec Kickhead to the Curb, extrait de leur plus récent album 11 Short Story of Pain and Glory. Ouais, hey, ça fait un bout qu'on s'est pas vu, un gros deux semaines. Donc là, on commence aujourd'hui en folk punk avec tout d'abord la formation montréalaise Bat in the Belfry et la chanson Rainstorm, extrait de leur album gratuit que vous pouvez aller vous procurer sur leur Bandcamp. Après ça, Get Dead avec Bartender, ainsi que Kippy Gooly et la pièce I Wanna Have Fun, version vinyle. Extrait de Kippy Goes Country. Allez, musique. Conversation out of you. It's 6 a.m. I've been waiting for a shot in the jukebox, not to make a friend. So will you please just hurry up and move? Well, I'm a mess. Yeah, you're a map. Well, that is that. Yeah, there's nothing left. Unless it's just about getting more booze. I cut these stitches in a fight right outside those doors. So is the score. You'll sit down quietly, I'll sit here mention more. Say bartender, pour one more. The cause is secure. I came here to drink, not to think things through. I'll talk to you, to bartender. Won't you pour one more? The cause is the cure. I came here to drink, not think things through. Been held down by the force of my own way, baby. Now I can't seem to reach you. Fresh out of second chances, them pills and whiskey dances in that dress I bought for you. It's been a long night. I got these stitches in a fight right outside these doors. So here's the score. You sit back there quietly, I'll sit here and drink more. So bartender, I came here to drink, not to think things through. You'll talk to you, to bartender. Won't you pour one more? I'm not your bartender. The cause is a cure. You came here to drink, not to think things through. I'll talk to you. Go through life, never have any fun. I wanna go with you, baby. I just begun. Some folks are just too cool, never let down their guard. I wanna make you drool, and I wanna leave you scarred. I wanna have fun with you. I wanna have fun on you, in you, with you, near you. I wanna have fun with you. Baby, if we went away, lock ourselves in my room, we could have fun for days and come out on the next full moon. We could stand out for drinks and Chinese food. I don't care what no one thinks, my only need is you. I wanna have fun with you. I wanna have fun on you, in you, with you, near you. I wanna have fun with you. Sun and rain, please be my only one. Well, I'll be the monkey man, and I'll be the loaded gun, and I'll do the best I can, and I'll be the foolish one. I wanna have fun with you. I wanna have fun on you, in you, with you, near you. I wanna have fun with you. I wanna have fun with you. I wanna have fun on you, in you, with you, near you. I wanna have Ok tout le monde, alors c'était K.P. Gooley avec la pièce I Wanna Have Fun, yes, ouais, c'est ça. Et puis deux chansons avant, on avait eu tout d'abord Bat in the Belfry avec la chanson Rainstorm, ainsi que Get Dead avec la chanson Bartender, pièce que vous pouvez retrouver sur leur album qui porte le titre de Bad News, sorti sur Fat Record en 2013. Maintenant, on va enchaîner en musique avec une nouveauté qui est une promo d'un groupe qui, en fait, qui a pas de 7 pouces ou de cassette ou de CD pour l'instant, là. Mais ils ont 3 enregistrements. La formation de Plessisville, Trisomique Vert, ouais, qui vient supposément aussi, je crois que c'est de, ouais, c'est ça, de l'aile psychiatrique en plus de Plessisville, là. Ouais. En tout cas, tout un groupe, ça. Donc, pour Trisomique Vert, on va entendre la chanson « Comme un chien erre », hein? Ensuite, on va aller faire un tour aux États-Unis avec un groupe qui sera de la partie pour le Hoy Fest cette année à Montréal, en plein milieu du mois de mars, là. Donc, la formation No Time avec la chanson « Antisocial Today ». Puis ensuite, un groupe qui va venir visiter Montréal cet été, Harrington Sent et la chanson, plutôt les chansons « Claret and Blue », ainsi que Factory. Et ça, c'est extrait d'un best-of de ce groupe-là, là, qui s'appelle The Single Collection, sorti en 2013. Sur ce, allez, on y va en musique avec Trisomique Vert et la chanson Comme un chien errant. Vous allez voir, ça brasse Trisomique Vert. Yeah. j'espère que vous avez aimé les deux chansons d'Arrington Cent. Donc, les pièces qu'ils ont jouées étaient Claret and Blue, ainsi que la chanson Factories. Et puis, deux chansons plus tôt, on avait commencé le bloc avec Trisomique Vert et la chanson Comme un chien errant. Et ensuite, on avait continué avec No Time et la pièce Antisocial Today. Maintenant, on enchaîne avec un bloc musical ainsi qu'une double entrevue que j'ai fait à la fois avec Boyd et de Planet Smashers il y a deux semaines à la shop du Trou du Diable. En fait, c'était le 27 janvier. Donc, on va commencer ça tout d'abord avec une pièce de la formation Boyd. On va commencer avec la chanson Automatic Satisfaction. Puis ensuite, on va avoir la première partie de l'entrevue avec Boyd. Ça sera suivi d'une chanson de Boyd, qui est la pièce Bless This Mess. Ah oui, vous pouvez retrouver ça sur leur album qui s'appelle Superba Frango, qui est sorti sur Stomp Record en 2015. Et puis après ça, ben là, on va revenir pour la deuxième partie de l'entrevue avec Boyd. Puis, quand cette deuxième partie sera terminée, vous allez entendre la chanson Valois Love Letter, extrait du même album de tantôt de la formation Boyd. Et puis après, on va enchaîner ça avec The Planet Smashers et la chanson Attitude Exagérée. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait jouer. Pièce qui est extrait de la compilation Too Tong, Le Québec en monte une. Ça date de plusieurs années. Et puis après ça, eh bien, on va avoir l'entrevue avec Matt des Planet Smashers qui nous parle un peu de l'évolution là, des planètes, là, comment que ça va de ces temps-ci, là, s'il y a des nouveautés qui arrivent. Là. Puis en même temps aussi, il va nous parler du Stomp Record, comment ça va pour Stomp. Là. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de surprises à venir avec Stomp Record. Et puis, après ça, ben, on va finir ce prochain bloc là, avec la chanson Too Much Aptitude des Planet Smashers. Ouais. Tant qu'à avoir fait jouer Aptitude Exagérée, allons-y avec l'original. Extrait bien sûr de leur bon vieux classique et troisième album, qui s'appelait Life of the Party. Bon, sur ce, let's go. Musique et entrevue avec Boyd et The Planet Smashers à Skypunka. Just a little Hi, guys. Hi. What's up? There's nothing too much sitting here in the Trudzia Brewery. Feels pretty good to be around, you know, all our best friends in the whole world and the best beer. I was saying that the beer is our best friend. Oh, yeah. That's what I thought you meant. I think it's the second time that you play here. Yeah. The last time we were here with the Brains. Okay. Est-ce qu'on dit Boyd's? Oui, juste Boyd's. Boyd's. Il n'y a pas de... C'est pas de Boyd's. No. OK, c'est Boyd's. Ouais. OK, puis ça veut dire quoi? Ça veut dire, honnêtement, absolument rien. Ouais. Ça veut dire... C'est comme un nom, famille, genre, dans le style de Ramones. Ouais, quelque chose comme ça. OK, c'est toujours de demander qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. OK. Ça veut dire le, comme, qu'est-ce qu'on veut. Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est juste un mot, en fait. Ouais. OK. Ouais. On avait vraiment de la misère de trouver un nom de cette bande. Since how many years Boyd's exist and how many are you in your band? Ouh, ça fait quoi? 5 ans? 5 ans? Presque 5 ans. 5 ans... 4? Oui, 5 ans. Ouais. Là, on est 3. On était 4 jusqu'à l'an passé. But... Il y a un gars qui a quitté le band pour... C'est depuis quand que vous êtes trois? Ça fait 2 mois. Ça fait OK, ouais. C'est ça. Parce que sur votre dernier album, Super Buff Rango, vous étiez... Quatre, c'est oui. Ça. Oui. L'autre d'avant aussi, me semble. Oui. Oui, hein, oui. C'est toujours ça. Quatre, sauf les 2 derniers mois, c'est tout changé. Et qui fait la guitare dans votre groupe? C'est moi. OK, trouves-tu ça difficile de faire présentement 2 gits? Non, parce que là, on a changé... les tunes, pas mal, okay. Que ça soit plus facile à jouer à une guitare. C'est quelque chose de more raw. Ouais. You know? Mais dans votre groupe, vous êtes 2 chanteurs. Mais il y en a 2 qui chantent plus. Non, tu fais les 2 voix, parce que me semble qu'il y a comme 2 voix qui sont différentes. Non, c'est probablement c'est le mystère de Monsieur Andy Bobandy. Ouais. Ah, j'ai toujours pensé qu'il y avait 2 chanteurs. Oh. Yeah. C'est bon. Vous, là, vous venez du BC, hein? Non, moi, je viens de Montréal. Montréal? Andy vient de Calgary. Oui. Ah, OK. Puis notre batteur, Sandro, qui habite à Montréal, ça fait 6 ans, 7 ans. Lui, il vient de Sudbury. OK. Pas mal partout. Donc, vous êtes un groupe, mais présentement, vous êtes basé à Montréal. Montréal, c'est ça. OK. C'est bon. What do your song talks about? And what is your favorite Boyd's song? Ha! What do our songs talk about? All the things that make us happy and make us angry. Yeah. Just basic stuff in our lives. Stuff that we see, you know. Yeah. No. Things we experience on tour, on the road. Okay. We try not to be political. Yeah. And why? That's a good question. Just trying to have more fun. If we are political, we disguise it. Yeah. Most of our songs speak about something. Yes. There's an element of society and politics. It's also mixed up with our personal lives and relationships. Yeah. And, but you don't focus on politics. No. No. In terms of a favorite song... I'm gonna not even answer that question. For me, right now, well, we have new songs that we've written since our last album. For a new album? Yeah. How many? We're always writing. Right now, we probably have, well, we recorded 5 new ones. Well, we have an EP done. Oh, yeah. Yeah. That's gonna come out. On Stomp or? It's probably gonna come out on Stomp. Okay. It's probably gonna come out likely at the end of the summer or in the spring. Yeah. We're not sure right now. It's an EP that we just... We wrote the 5 songs with Sandro, our new drummer, pretty much in 2 weeks. We wanted to establish ourselves as a 3-piece. Okay. So we wrote songs right away because we're different now. You know? Yeah. And this EP will be on CD or vinyl? Vinyl. Yeah. Yeah. 7-inch? Yeah. Yes. Yeah, 5 songs. Yeah. 8.5 minutes. Maybe 10-inch? Maybe you 10-inch. You never know. We think about 10-inch sometimes. Yeah. It's nice to have the art as a bit bigger. Yeah. And you have a much space for your song. That's it. Yes. We're just we're vinyl junkies, so like any chance for us to do something cool like a 10-inch, yeah. I think we're gonna, you know, we're gonna do. That's it. So obviously new songs tend to be the most favorite because they're exciting and you know, yeah. Hopefully as you're writing songs, your songs are always getting better. Yes. You know, so we like to think that our newest songs are our best songs. I think so too. The most current stuff is always what I like the most. But if I had to pick one, I would say Bless This Mess. Bless This Mess. That's my most favorite of Herbert Franco to play currently. And yeah, I really enjoy people really it. Respond well to it. Yeah, it's fun. Just, it's a lot of fun. Yeah. Your life, do you only work for boys or you do something else like job wise? Yes. I don't think we're at a place where we can afford to just work on boys. Yeah, I wish. If I work on boys as much as possible, okay, but then you have to work jobs. But your first job, it is your band or something else in my life? Yes. Yeah, okay. That's my band. It's not my first job that pays my rent, okay, but it's the first thing I do every day, the last thing I do every day. It's what I think about the most. It's what drives me. Yeah. And then what I have to do to make money to pay my rent is whatever. Secondary. Yeah, hopefully something I like and part-time. Yeah. Okay. Yeah, that's it. Do you know if someday you will only play or work for your band? That would be nice. Hopefully. Yeah. That's the goal. Yeah. But it takes many years just to establish a band. Yes. To get to the point where you can, I mean, obviously that means touring a lot in this day and age because record sales don't exist so much anymore. So touring a lot and hopefully you can build a following and become a band that people want to see. Right now I still feel we're a very new band, a young band. Especially now, back like as a three-piece, trying to like reestablish ourselves. Mm. Yes. Mais est-ce que vous avez beaucoup de contacts? Oui. Je pense que oui. Comme là, on a fait quatre tournées transcanadiennes, plus que ça. Quatre fois, puis un fois aux États-Unis. Oui. Deux fois. Deux fois. Puis dans les autres groupes. J'ai fait des tournées dans l'Europe deux fois. C'est ça. Parce qu'on a bien des contacts. Oui. C'est les mêmes contacts, on les amis. So. C'est ça. Plein de contacts. Ouais. Est-ce qu'il y a des shows ou ben des tournées qui sont à venir bientôt? Probably not anything that we can talk about yet. No. Because we don't know enough and we don't have enough of a confirmation. Yeah, but. Yeah. We're looking at, I mean, like we said, we have a 7-inch that's ready to go. Okay. So we're definitely doing, I mean, we're on for Pooza Fest in Montreal in May. Okay. Maybe do a little tour. Not sure yet around that. But definitely, I think the fall is going to be our season. Yeah. We're going to try and go to Europe and back across Canada in the fall. So looks like and down in the States, too. Yeah, so. True. So it looks like fall is actually going to be very busy for us, which is nice. Est-ce qu'il y a une place dans le monde où vous avez vraiment trippé quand vous avez joué? Oui, il y en a un couple. On était chanceux d'avoir l'opportunité de faire des tournées en supportant des groupes comme Gob ou Real McKenzie's ou The Brains. Fait que that gives us the chance to play in front of crowds that we wouldn't get the chance to play in front of. I don't know, honestly, Montreal surprises me sometimes. We had the chance, we played Pooza Fest outdoors last year downtown to just like, I feel like everybody we know in a band, you know? Yeah. And that was, it's like special like that. Yeah. There's fun places that become like second homes. Calgary. London. Yeah, Calgary, London, Ontario, Toronto. Yeah. Ottawa. Yeah. Very good people. And, you know, like... Victoria. There's lots of good people out there. Edmonton. Yeah. We know a few spots where people will take care of us. Like, you know, places like Thunderbank. Long Branch, New Jersey. Ça en fait beaucoup. Yeah. C'est bon. Yeah. Yeah. There's good people everywhere. You just have to be lucky enough that they come to your show. Like, if they don't... Nobody really knows our band yet, so... Mais avec Storm, ça vous aide, ça vous donne vraiment comme une crédibilité, puis pour la vente d'albums, c'est plus facile, j'imagine. Ouais. Yeah. Bon, ben, je vous remercie, puis je vous souhaite un très bon show pour ce soir. Merci. Excellent, man. Ça fait plaisir. Cheers. Cheers. I'm writing you a vow, a love letter, cause I think it would be the best ever. See the stars in your eyes. Total surprise when I give it to you myself in romantic alleyway darkness in the dead of the night. I wanna show you just how much I care when I first met you. You got Cette fille est terrible, mais c'est pas la mienne. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Je voudrais bien le savoir. Tenter de devenir une homme, je me moque des ennuis qui tombent dessus. Qui dois-je blâmer? Je suis dégoûté. Ne jamais me plaindre de voir t'amuser. Je sais pas pourquoi tous ces efforts m'épuisent. Je veux pas lâcher tant de gicasses pour rien. Bon, comment ça va, Matt? Excellent. Ça va bien, ouais. Bon, parfait. Est-ce que vous travaillez sur un nouvel album présentement? On vient de commencer. OK. On n'a même pas eu la première jam, mais on parle, on discute, et on envoie des courriels avec des idées, des choses comme ça. Alors, okay. Ça commence. Est-ce que vous pensez que ça va être plus ska ou plus reggae, ou comme d'habitude, un mix de tout ça, ska, reggae, puis third wave? Je pense que... ça va toujours être un mélange avec les Planet Smashers. Peut-être un peu plus de la New Wave et des choses comme ça à entrer maintenant avec Patrizio dans le groupe. Le clavier, ça fait une différent son pour nous. Alors. Là, il est rendu comme officiel, là, le clavier. Yeah, I mean, il y a des fois qu'on va jouer avec, sans, pas avec lui, mais on aime quand il est là. Ouais. Ça nous donne un meilleur backbeat. Alors. Donc, c'est ça. Donc, tu disais que quand il y a là votre clavieriste, ça vous donne plus de son. Plus de son et... the offbeat, c'est juste... c'est plus fort. C'est plus l'ambiance. Hey, Matt. Hey, man, how you doing, Isaac? Very good. Happy to be here. Stoked. Super stoked. So, you had a good dinner? Yes, fantastic. Okay, on continue. Est-ce qu'il y a une bière sur les Planet Smashers qui s'en vient bientôt, qui sera brassée par une microbrasserie québécoise? Ah non, je pense pas. Non? Ah, ça serait excellent. Peut-être que je vais parler avec Isaac. Ouais. Ah, you know. Ce serait une bonne idée, c'est ça. C'est certainement quelque chose. C'est possible, mais nous sommes des bons amis maintenant avec Trudia et aussi Bose. Les deux, ensemble. Quel genre de bière qui qualifierait les Planet Smashers? Quelle bière? Une bière, seulement? Ouais, une bière, oui. Seulement une bière. Ouais, une bière, là. Une bière blonde, une IPA, une noire. Bud Light. Non, I'm kidding. Non, j'espère. A nice pale ale, je dirais, oui. Pale ale plus de type anglais? Anglais, ouais. Les deux sont bons, mais je pense que c'est pale ale, like a Newcastle type. OK. Pardon. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose qui s'en vient? Parce que je sais que vous avez fait des covers de special. Mm-hmm. Vous avez fait un show aussi une fois. Ouais. Est-ce que ça serait possible qu'à Montréal, éventuellement, vous faisiez un show hommage au special? C'est certainement possible. I mean, c'est plus difficile. Quand on a commencé à faire les specials, ils jouent plus. You know? Ils jouent plus. Mais maintenant, ils jouent un peu. Alors, c'est un peu plus... It's kind of weird, you know? Ouais, OK, alors, c'est un peu comme gênant. Ouais, c'est comme... Ils toujours jouent. Alors, originellement, on a booké deux shows à Toronto. Une soirée, on voulait faire specials et l'autre était Life the Party. Mais puis, specials ont joué à Toronto dans le mois de septembre. Alors, on s'est dit, oh, mon Dieu, on ne peut pas faire ça, c'est cheesy. Alors, on n'a pas fait ça. On a fait une request night. C'est also cheesy, but anyway, c'est possible. OK. Mais on a des différentes idées pour la prochaine sort of spectacle theme show. OK. You know? Mais quand vous faites des shows avec Big Wig et Big D, il ne faut pas faire ça. Just, you know, c'est non? Un incroyable show. Parce que là, il y en a un show qui s'en vient avec Big D. Yeah. Et aussi Big Wig. Big D, Big Wig. À Montréal, c'est avec Dig It Up. Dans le cadre du Pouce à Fesse. Ouais. Oh non, non. C'est en avril. C'est, oui, c'est ça. Et puis on fait deux shows à Québec aussi. Ça va être fou. Ouais. Pour le Stomp Record, est-ce qu'il y a, il y a des nouveaux groupes qui s'en viennent sur Stomp? Puis mm-hmm. si oui, c'est dans quel genre? Il y a beaucoup de nouveaux groupes. Ah oui? C'est un peu trop. Ah oui? Cette année, ça va être le plus nombreux disques d'années. Qui va sortir sur Stomp. Ah oui? Il y a plusieurs des anciens groupes comme Real McKenzie's et Creepshow. OK. Et Isotopes, on va avoir nouveau. Il y a aussi Ray Gun Cowboys. OK, ouais. Puis il y a des nouveaux... On va une de Voodoo Glow Skulls éventuellement. Ah oui. Aussi, ça c'est différent pour nous. Puis on a quelques nouveaux groupes. School Damage, ils travaillent sur un nouveau. Ça c'est un groupe hardcore de Toronto. Ok. Vraiment cool. Bats in the Belfry. Oui, oui, oui, c'est oui, oui, oui. Folk punk. Moi je les connais. Trois filles. Ah oui. C'est très bon. Tellement bon. Mais je sais pas comment. Vous avez joué avec Fire Next Time. C'est ça. On vient de juste commencer à travailler avec eux. On a... Alors c'est vraiment. C'est pas trop tôt you know, pour dire qu'on va sortir une distance, oh, oui. Mais éventuellement. C'est un bon groupe. Oh, oui. C'est vraiment un professionnel dans ouais. les filles. On commence à travailler avec Joystick, un groupe de Austin, Texas. OK. C'est dans quel genre, ska ça? Ska punk. OK. Voodoo Glow Skulls, encore, mais on dit déjà dit ça. Plusieurs. Ah, my brain's not working. I'll remember soon. Oh, on a un nouveau disque des Dreadnoughts. Ah ouais? Yeah, it's a new Dreadnoughts record. Ça veut faire cool. comme quoi, 4 ans que c'est sorti? Au moins 6. Avec l'album Poutine, yeah, Poutine, là, ouais, ouais. Total Poke is not dead. Fait longtemps. Yeah, ça fait 6 ans. Ah oui. 2011. Ouais. Et puis, il y en a des autres. How can I think of it? Oh well, I'll remember. Y a-tu des vieux groupes ska de Storm qui vont peut-être revenir comme General Rudy, penses-tu nah, comme non? Jamais. Ah non? Non, I mean Phil, le gars dans ce groupe, il a un bon emploi maintenant. Il, you know, il fait le génie, c'est good. Ok. C'est busy. Il n'y a pas le temps. Et même The Kingpins, non. Walla Tomilka, non. JFK, possible. Ah oui? C'est possible pour JFK. Ben Revision. Wow. Yeah, il vient de juste envoyer moi un courriel, il dit qu'il joue encore. Ah oh, ouais, oh, ouais, c'est okay. Rude City Riot, c'est possible qu'ils vont avoir un autre disque. Mais on verra. Vous allez voir. Yeah. Beatdown, certainement possible. Mais Alex vient de. Je pense qu'il est. Bientôt, il va devenir un nouveau papa encore. Papa nouveau. Papa encore pour un nouveau enfant. Et puis, yeah, on verra peut-être c'est dans la prochaine. Les Kingpins, tu disais que... Non. Non? Non. Peut-être ils vont jouer quelques fois, mais... Mais c'est quand même... C'est, tu sais, c'est difficile pour les réunir. Le yeah, line-up I mean, original, it, il est difficile à réunir. They broke up for réunir, a reason, you know? Ouais, ouais. Ça, c'est pourquoi, you know, when a band breaks up normally, you know, they get back together. Mais pour un show, c'est possible, certainement. You know? C'est bon. Okay. Bon ben, merci. Et bon show ce soir. Disarray. Who invited? Oh yeah, Too Much Aptitude des Planet Smashers. Pas mal de temps avant ça, on avait débuté le dernier bloc avec Boyd et la pièce Automatic Satisfaction. Ça a continué bien sûr avec la première partie de l'entrevue de Boyd effectuée à Shawinigan le 27 janvier 2017. Puis après ça, on a vu la chanson Bless This Mess. On a eu par la suite la deuxième partie de l'entrevue avec Boyd. Après, une troisième chanson de Boyd qui était Valois Love Letter. Ces trois chansons-là, vous pouvez les retrouver sur leur album Superba Frango, sorti sur Stompbreaker en 2015. Et après ça, on avait eu The Planet Smashers avec Attitude Exagérée, l'entrevue des Planet Smashers. Et puis finalement, comme je l'ai dit tantôt, Too Much Aptitude. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec la nouvelle toune des Prowlers, la chanson Prowlers Crew. Pièce qui se retrouve sur leur tout nouvel album, qui est en fait un album, on pourrait dire un split, avec King Can, Shopcaller et Tormen. Et puis ça, c'est le nom de cet album-là, c'est This is Montreal, The Sound of Our Street. Yes! Sur Agrobeat Record, vraiment très bon album. Bon! Ben, très bon album, en tout cas, très bon, ouais. Très bon 7 pouces. Très bon mini-album, très bon EP. En tout cas, c'est excellent. Puis, c'est ça, ça sort là sur Baldy Sound Production, ainsi que sur Agrobeat. Fait que, ne manquez pas ça, là, achetez ça, c'est vraiment très bon. Bon, puis donc c'est ça, alors après The Prowlers, on va avoir Cockney Reject à la chanson Police Car, ainsi que Flares and Slippers, parce que Cockney Reject, ça rend Montréal cet été au fouf. Et puis après ça, Red Alert et la chanson Sid. Chanson pendant la, sur laquelle on peut entendre le chanteur des UK Sub. Ça me fait penser que Red Alert est en tête d'affiche au Whitefest de Montréal. Voyons, pour la fin de semaine de la Sainte-Pat. Donc ne manquez pas ça. Ça va être toute une fin de semaine de la Sainte-Pat à Montréal. Ce mois de mars-ci. Yes. Ah. Bon, bah ouais, let's go, musique. The Prowlers. Leading through is a way of life. Ok, alors c'était Red Alert avec la chanson Sid. Et deux chansons avant cela, on avait eu The Prowlers avec Prowlers Crew, ainsi que Cockney Rejack avec Police Car et Flares and Slippers. Maintenant, on enchaîne avec trois chansons contre le racisme. Tout d'abord, The Ramones avec The KKK Took My Baby Away, extrait de leur anthologie. Après ça, on va avoir Yabasta. Et pour Yabasta, on va s'écouter la chanson Toujours Debout ainsi que FPT, extrait de leur bon vieil album Toujours Debout. Et après ça, Les Partisans avec la pièce Sono Mondial, qui est extrait du mini-album portant le même nom. Notez que Les Partisans sont de retour en plus. Fait que, ah ouais, let's go, musique. Ah ouais, puis j'oubliais aussi, tant qu'à faire un bloc contre le racisme, eh bien, n'oubliez pas que cette semaine, là, eh bien, j'ai justement le festival contre le racisme à Québec. Je vous en parle un petit peu plus tantôt dans le prochain bloc. Allez, let's go, musique. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got that. She never got that. She never got that. They say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there, she never got there, she never got there, they say it. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. My baby can be. They took her from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me. The president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me. The FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. She never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA. But she never got that, she never got that, she never got that, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. The KKK took my baby away. Away from me. The KKK took my baby away. They took my girl. They took my baby away. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Hey! STP dans tous nos quartiers. Plusieurs villes basculent en vrac dans la nuit et le brouillard. Elles veulent faire jouer des groupes rats qu'on en appelle aux maquisards. Faut empêcher ce concert plus que jamais déterminé. Partisans foutés tout en l'air, on ne se laissera pas dominer. La générale dans sa beauté cachera les festivités. Une œuvre de toute beauté, encore en train de d'éviter. Résistance, résistance, FTP, FTP, une lutte sans pitié. Résistance, résistance, FTP, FTP, dans tous nos quartiers. Mélodie, en levant le poing dans la danse, tu es parti. Je sais que t'es comme... la scène internationale. Nous on danse sur la sono mondiale, sur la piste de danse internationale. Eh bien, c'était les Partisans avec la chanson Sono Mondial. Et deux pièces plus tôt, on avait eu les Ramones avec The KKK Took My Baby Away, ainsi que Yabasta avec la pièce Toujours Debout, et puis FTP. Mais il faut dire que la pièce Toujours Debout, c'est dans le fond l'introduction de la pièce FTP, et également c'est l'introduction de l'album de Yabasta qui porte le même nom. Maintenant, on enchaîne avec un autre bloc contre le racisme et contre le fascisme. Donc, Total Chaos avec Boot Party, extrait de leur bon vieux classique Anthem from the Hell Away. Ensuite, Brigada Flores Magón avec leur pièce Rash, extrait de leur album éponyme. Et puis, nous allons continuer avec Action Sédition et la chanson Sous la branche d'Olivier, sorti l'année passée, là. Et ça se retrouve, dans le fond, sur leur album, qui est un split avec Bull Brigade. Split qui porte le titre de Héritier des luttes d'hier, militant d'aujourd'hui, qui est un 10 pouces. Il y a deux pièces d'Action Sédition sur ce 10 pouces-là, donc dont la pièce qui va jouer, ainsi que la reprise de Octobre 61 de Brigada Flores Magón. Et pour Bull Brigade, si vous vous en rappelez pas, là, eh bien, il y a la reprise de la pièce Pour ma classe de Brigada Flores Magón, Motor City, ainsi que Perduto Amore. Et puis, vous pouvez retrouver ça sur l'étiquette Rebel Time Record, ainsi que Dure Réalité. Bon. Et puis là, après Action Sédition, on va avoir Angelic Upstart avec la pièce Street of St. Pauli. Pièce qui se retrouve sur leur plus récent album portant le titre de Bullingdon Bastard, sorti en 2015. En fait, fin 2015. C'était assez limite pour faire partie de mon best-of de 2016. Et je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre dessus. Je m'en veux encore. Bon, en tout cas, allez, let's go, musique. Where the boys beat her down like to your boy. Hit the slate, spill her on fire. See her nuts, beat her knife. Beat her down to the ground. Keep her body down and dead. Hit the slate, spill her on fire. See her nuts, beat her knife. Beat her down to the ground. Keep her body down and dead. Where the boys, what a wonderful noise. Where the boys, hit the street like London boy. Where the boys, what a wonderful noise. Where the boys, beat her down like to your boy. des noirs, militants antifascistes. Ta conscience est un délice. Dieu pardonne pas prolétariat. Trop raciste et intolérant. Tu n'as pas peur de la violence. Reste-t-il, reste-t-il, reste-t-il est. Les barricades n'ont que de côté. Mais c'est Olivier Garnet. Non, c'est... city sits a corporate rival, a face too often seen. St. Paul's pirates arrive to hell's bells on the field of their dreams. Let the flags fly high. C'était Angelic Upstart avec la chanson Street of St. Pauli. Trois chansons plus tôt, on avait eu Total Chaos avec Boot Party, Brigada Flores Magón et la pièce Rash, ainsi que Action Sédition et la pièce Sous la branche d'Olivier. Et puis pour Action Sédition, notez qu'ils seront en spectacle demain à Québec, au sous-sol du Cercle, qui est situé au 228 rue Saint-Joseph-Est. Quand je vous dis demain, en tout cas, c'est vendredi le 17 février 2017, là, à 20h. Ils vont jouer en compagnie de Gloaca ainsi que Guernica. Et c'est dans le cadre, bien sûr, du Festival contre le racisme de Québec. Et puis, maintenant, ben, il est rendu temps de se quitter. Et on se quitte aujourd'hui avec Gimfist et la chanson Country Divided. De Boldness, qui nous viennent de très très très loin, avec la chanson Skinhead Antifa. The Oppress avec Antifa Oligan, version live, extrait de leur plus récent album, que vous pouvez retrouver sur Rusty Knife Record, tout comme The Boldness d'ailleurs, là, qui est extrait la pièce de tantôt, là, qui se retrouve sur leur split qu'ils ont fait avec Ultima Class, c'est ça. Et puis après ça, on va finir le tout en beauté aujourd'hui, en reggae, avec une pièce de Morshem 43 et la chanson Je reviens de loin, promo. Oh oh, on aurait pu, hein? Et oui, je suis le premier à la diffuser. Sur ce, allez, bye bye tout le monde, et à la prochaine pour une autre émission de Sky Punka, qui sera sûrement pas dans 2 semaines, là, mais la semaine prochaine. En tout cas, sûrement. Bye bye, là. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. We're a country divided, a country clearly split. There's a country for the poor and a country for the rich. We're a country divided, a country clearly split. There's a country for the poor and a country for the rich. Yeah.